بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue les dorus de fiqh à partir de l'ouvrage de l'imam Abu Muhammad ibn Qudama رحمه الله المقدسي. Son ouvrage عمدة الفقه. Et on est arrivé au chapitre de l'Wudu, Bab al-Wudu. Nous, on va commencer le chapitre en citant d'abord la preuve dans le Coran de l'Wudu. Le Coran, il a été il a été cité dans le Coran, dans Surat al-Ma'ida, le verset 6, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Oh vous qui croyez, ce qui signifie, lorsque vous levez pour faire la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'à vos coudes, et passez vos mains mouillées, wamsahu, sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc là, dans le Coran, on a mujmalan, la manière de faire le wudu de manière générale. D'accord. Et la sunna dans les hadith, c'est le rôle de la sunna. La sunna tufassiru al-Quran wa tubayyinuhu, comme l'ont dit l'imam Ahmad dans son sunna, et comme l'a dit Sheikh Ibn Taymiyyah dans le wasitiyya. Donc quoi, la sunna, elle vient expliquer le Coran et elle vient le clarifier. Donc la sunna, elle vient clarifier ce qui est établi de manière générale dans le Coran à propos de la description de l'wudu. Dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 164, An Humran, Mawla Uthman ibn Affan, أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حمران l'esclave affranchi de Uthman ibn Affan, il a vu Uthman ibn Affan demander de l'eau. Parce que le mot wudu, quand c'est wado avec un fatha sur le waw, ça signifie l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Et le wado avec un damma sur le waw, ça signifie l'action, le fait de faire les ablutions. D'accord? Donc en arabe, quand il dit dans le hadith da'a bi wado, il a demandé de l'eau pour faire le wado, qui est l'acte. D'accord? Non. Comme le ghasl ou le ghusl. Non, le ghasl ou le ghusl, c'est différent. C'est différent. Mais le ghasl c'est différent. Non, le ghasl c'est le lavage en général. Et le ghusl c'est quand ça fait les grandes ablutions. Voilà, c'est l'acte shar'i, l'essentiel. Ici, donc l'eau, il a fait venir de l'eau. Fa'afraq ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma thalatha marrat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé l'eau de son récipient. On va le voir ça, c'est la preuve comme quoi c'est la sunna de faire le wudu à partir d'un récipient. C'est-à-dire d'avoir un récipient dans lequel on fait le wudu. Et ça a plusieurs fonctions. La première, c'est donc suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, éviter le gaspillage. Et le mieux, c'est de faire le wudu comme il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir, avec un mout. C'est-à-dire avec deux mains pleines. Voilà, avec très peu d'eau. Donc il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'eau, et du récipient, il l'a fait tomber sur ses mains, et il les a lavées trois fois. Ça, c'est pas cité déjà dans le verset. Donc la sunna vient nous expliquer ici, rajouter quelque chose entre guillemets au verset. ثم أدخل يمينه في الوضوء. Il a fait ensuite, il a mis sa main droite dans l'eau, al-wadu, dans l'eau avec laquelle il faisait ses ablutions. Il a fait le madmada wal istinshaq wal istinthar. C'est-à-dire, il a fait rentrer l'eau dans la bouche et dans le nez, et il a fait sortir l'eau de la bouche et du nez. Ensuite, il s'est lavé les mains trois fois. Ensuite, il s'est lavé les mains jusqu'au coude trois fois. Très important, les mains jusqu'au coude trois fois. Ouais. Le visage. Pardon, il a lavé, il a lavé le visage trois fois, et ensuite il a lavé les mains jusqu'au cou trois fois. Ensuite il est passé sur sa tête, il a passé les mains mouillées sur sa tête, d'accord? Ils nous disent pas combien de fois, mais ça se voit que c'est une fois, et on va le voir. par la suite. Et ensuite, il a lavé ses deux pieds trois fois. Il a lavé ses deux pieds trois fois. Et on sait que dans le hadith, là, c'est pas cité. C'est pas cité, les oreilles. Et comment ça s'appelle? Et dans le hadith, le verset, il nous ramène comme quoi ses pieds, quand on dit ses pieds, c'est jusqu'aux chevilles. Et ensuite, il a dit, Uthman ibn Affan, le troisième calife bien guidé, un des proches compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire le wudu, comme je viens de faire le wudu. Et il a rajouté, et il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait le wudu, comme je viens de faire le wudu, et qui ensuite fait deux raka'a, sans penser à autre chose, dans la salat, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents. Donc ça, c'est la manière, et on va la détailler, cette manière, dans tout ce qui va suivre, inch'Allah. Ibn Qudama rahimahullah il dit ensuite wala sahhu al-wudu wala ghayruhu min al-ibadat illa an yanwiyahu li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Il dit le wudu ne sera pas valide ni les autres adorations jusqu'à ce qu'il y ait l'intention, jusqu'à ce qu'il en ait la personne qui fait l'intention, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les actes ne valent que par les intentions, et tout homme n'a la récompense de ce qu'il a que de ce qu'il a eu l'intention. Ibn Qudama rahimahullah dit dans un autre de ses livres: "والنيه من شرائط الطهاره" c'est dans le Mughni, "والنيه من شرائط الطهاره للاحداث كلها ولا صح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بها وروي ذلك عن علي وبه قال ربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. Ibn Qudama rahimallah il dit l'intention, niya, fait parmi des conditions de la purification, de toutes les sortes de purification. Ni le wudu, ni le ghusl, ni le tayammum ne sont valides sans wudu. Et ceci est rapporté de Ali radiallahu anhu, le calife bien guidé, et de même il rapporte parmi les salaf Rabi'a qui est le cheikh de Malik, l'imam Malik, Shafi'i, Al-Layth, Ishaq et d'autres. Qu'est-ce que ça signifie ici l'intention dans le wudu? Il dit dans un autre de ses livres, Al-Kafi, rahimahullah, la page 21 de Tab'a al-Tarab al-Hasm, il dit: وصفاتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة والطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن رفع الحدث وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه أو دخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد. ابن قدامة رحمه الله nous explique, il dit, la description de la niya quand tu vas faire le wudu, c'est quoi? C'est que tu aies l'intention d'enlever ce qui t'empêche de faire la salat, d'accord, ou de te purifier pour une chose que tu ne peux faire que si tu es purifié. Et ici, trois exemples. La salat, c'est clair, comme c'est venu dans le hadith, on l'a vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le Bukhari et le Muslim. La salat, li ahadikum, idha ahdatha hatta yatawadda. Il n'y a pas de prière pour l'un d'entre vous s'il a perdu le wudu jusqu'à ce qu'il refasse le wudu, ce qu'il fasse le wudu. C'est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Donc, la salat, le tawaf, la plupart des ulémas considèrent que pour faire le tawaf, il faut être purifié. C'est comme la salat, qu'il faut avoir le wudu pour faire le tawaf. Contrairement à Ibn Taymiyyah, peut-être qu'on le verra par la suite. Wa massa al-mushafi, le fait de toucher le mushaf, c'est-à-dire la copie du Coran, s'il n'y a que le Coran. Ça, c'est l'avis de la grande majorité des ulama. Ibn Taymiyyah a rapporté tifaq al-sahaba, l'unanimité des sahaba. Il y a des preuves dans la sunna, contrairement à ce qui est répandu parmi de nombreux contemporains à notre époque. Il est interdit de toucher le mushaf, le Coran seul, si la personne n'a pas le wudu. Et quant au verset, لا يمسه إلا المطهرون, ne le touche que les purifiés. Il est rapporté de certains sahaba comme quoi ils ont dit c'est le Coran et la purification c'est le wudu, comme c'est rapporté par Abd al-Razzaq al-Sanani et Ibn al-Shayba dans le Musnad. Je parle ici de toucher. D'accord. Pour lire le Coran, c'est pas une condition d'avoir le wudu. Pour lire le Coran, c'est pas une condition d'avoir le wudu. On va le voir par la suite, ça vient dans les doses qui suivent. Moi le cite. Il a une obligation d'avoir le wudu pour toucher le mushaf, c'est-à-dire le Coran seul. Si c'est un livre de tafsir, si c'est un livre de fiqh dans lequel il y a des versets du Coran, c'est pas une obligation. Merci, il peut le toucher sans avoir les ablutions. D'accord? Le Coran qu'on a là à notre époque, c'est-à-dire ce que les gens, la plupart les francophones, c'est-à-dire avec l'arabe et le français, Allahu alam, c'est pas une condition d'avoir le wudu pour le toucher. D'accord. Par contre, le Coran seul, il faut avoir le wudu pour le toucher. C'est interdit de seul wudu. Par contre, si on veut le toucher, qu'il est en arabe, si on veut le toucher, on peut le faire à travers un vêtement ou en le portant ou quoi que ce soit, comme ils ont dit les éléments. On le détaillera, inchallah, au moment de après. Quand j'ai pas le wudu, je me dégage, je peux le prendre. Tu peux lire le Coran, tu fais le wudu, c'est mieux. C'est pour le porter, c'est dans le En ce qui concerne la lecture du Coran, c'est-à-dire la récitation seule, ça c'est pas une condition d'avoir l'oudo. Par contre, il faut avoir les grandes ablutions. C'est interdit pour el-junoub. La personne qui est en état d'impureté majeure. D'accord? Celui-là, il a pas le droit de réciter le Coran. Il faut qu'il fasse le rosé. D'accord? La troisième personne, c'est la femme en état de menstrue. Il y a un hadith qui interdit à la femme en état de menstrue de lire le Coran, mais ce hadith est da'if, comme il a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le Fatawa, comme il a dit Ibn Shawkani dans le Nayl al-Attar, parce qu'il y a Ismaïl ibn Abi Ayyash, qui est da'if, d'accord? Donc ce hadith est da'if. Donc, il faut avoir l'intention, pour que le wudu soit, il faut avoir l'intention de faire quelque chose dans lequel le wudu est une obligation, ou à la limite, dans lequel le wudu est une sunnah, d'accord? Mais si la personne, il nous dit, Ibn Qudama, il fait le wudu juste pour être tabarrud, pour se rafraîchir, et il fait un wudu shar'i, il n'a pas le wudu. Il n'a pas le droit de faire la salat. D'accord? Il faut qu'il ait l'intention de faire une chose dans laquelle le wudu, ou pour lequel le wudu est légiféré. D'accord? Ça, c'est l'avis de l'Hanabila. On le retrouve dans le Kafi à la page 21, et dans Manar al-Sabil, le Sharh al-Dalil, à la page 24. Et c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne maintenant, il marche sous la pluie, d'accord, et que il se trouve que il a un t-shirt admettons pieds nus, et il se trouve que l'eau elle touche exactement les endroits de l'eau, on va dire c'est vraiment une comment ça s'appelle théorique, d'accord, est-ce qu'il a l'eau? Non, il n'a pas l'eau jusqu'à ce qu'il ait l'intention de quoi, de faire l'eau ou de se purifier pour faire la salat ou pour lire le Coran ou pour etc hein, sachant que, et aussi on dit pour essayer l'eau pour quelque chose qui est sunna, par exemple il est sunna de faire l'eau comme ils ont rapporté dans certains livres, pour un das de ilm, lorsqu'on a fait un péché, etc. Oui. Ensuite, il dit, donc il a commencé, il a suivi l'ordre logique de l'ordre, la niya. Ensuite, yaqulu bismillah. Il dit bismillah. Ça se base, tout cela, on voit que précédemment, dans le hadith qu'on a cité au début, hadith Umran, dans le Bukhari ou le Muslim, il n'y a pas bismillah. Othman, quand il a décrit l'eau du prophète, il n'a pas dit, il dit bismillah. D'accord? Donc, quel est le jugement du fait de dire bismillah avant l'eau? Ceux qui disent que c'est sunnah et ceux qui disent que c'est obligatoire, ils se basent sur un hadith. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Abu Daoud numéro 102 et Tirmidhi numéro 25. Le hadith, il dit, la wudu'a liman lam yaskur ismallahi alayhi. Pas de wudu, si ce n'est pour celui qui prononce le nom d'Allah. D'accord? L'imam Ahmed, rahimahullah, qui est un des plus grands savants dans le hadith, parmi les plus grands savants dans le hadith, bien sûr, avec l'imam Malik, ou l'imam Bukhari, ou l'imam Muslim, il dit, لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا. Je ne connais pas de hadith authentique sur le fait de dire bismillah avant l'oudo. Ça, c'est rapporté dans le Kafi, et c'est rapporté dans le Awtar, et c'est rapporté dans l'oudo. Ce hadith-là, si on lit dans les livres de Takhrij, dans les livres qui nous citent les hadiths, et qui sortent les différentes, ce qu'on appelle turuq, les différentes voies ou les différentes chaînes de transmission par exemple sur un hadith, comme les l'autar ou d'autres, ils nous montrent que ce hadith, il est da'if. Ce hadith est da'if. Il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et il est da'if. Donc, deux solutions ici. En tout cas, on ne peut pas dire, comme le disent certains, ulama et certains salaf, hein, c'est pas du tout un avis, critiquable ou quelque chose, que le fait de dire bismillah est une obligation. On ne peut pas établir l'obligation avec un hadith da'if. D'autant plus que, dans le hadith précédent, rapporté lui par Al-Bukhari Muslim, c'est-à-dire lui authentique sans aucune, comment ça s'appelle, sans aucune divergence, dans ce hadith-là, il n'est même pas cité, bismillah. Et il a dit, Othman, qu'est-ce qu'il dit? Ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tawadda'a nahwa wudu'i hada. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wudu comme j'ai fait le wudu. D'accord? Il n'a pas oublié. Parce que même dans une autre version d'Abdullah ibn Zayd, pareil, il n'y a pas de bismillah. Donc, nous disons, de deux choses l'une. Soit la personne, il dit que le fait de dire bismillah, c'est sunnah, parce que, comment ça s'appelle, ce hadith, comme il y a beaucoup de chaînes de transmission qui nous ont rapporté ce hadith, on dit à la limite que c'est sunnah, comme il y a certains éléments. Ou soit on dit que la personne ne dit pas bismillah avant l'oudou. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que dire bismillah avant l'oudou, c'est une obligation. Comme on dit certains. Mais tu dis pas quelqu'un, il est batel. Il est batel parce qu'il a pas dit bismillah. Ensuite, il dit, ibn Qudama, yaghsilu kaffayhi thalatha. Ensuite, il lave ses mains trois fois. On l'a vu dans le hadith de Othman. Quoi? Il a lavé ses mains trois fois. Wa huwa sunna fil wudu. C'est une sunna dans le wudu. Ça y est, la personne, s'il ne le fait pas au début du wudu, c'est sunna. Wa huwa wajibun liman qama min nawm al-layl. Et c'est une obligation pour celui qui se lève du sommeil de la nuit. Celui qui se lève du sommeil de la nuit, il doit se laver les mains trois fois avant de faire le wudu. Le dalil, wa dalil wa hadith Abi Hurayra رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. Lorsque l'un d'entre vous se réveille du sommeil de la nuit, qu'il lave ses mains trois fois avant de les rentrer dans le récipient, car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a passé la nuit. Ce hadith l'a rapporté par Bukhari ou Muslim, et ça c'est la version de Muslim. Et l'obligation, c'est une version rapportée de l'imam Ahmed, rahimahullah, dans le Kafi par exemple, page 22, et aussi c'est la vie choisie par Ibn Hazm. Comme quoi c'est une obligation pour la personne qui se lève le matin, du sommeil de la nuit, de se laver les mains trois fois avant de les mettre dans le récipient. C'est une autre preuve, un autre hadith qui nous montre que c'est sunna de faire le wudu avec, à partir d'un récipient. Je le dis parce que beaucoup de gens aujourd'hui font le wudu avec le lavabo, en laissant couler l'eau, ce qui est bien. Ibn Hanbal et Ibn Hazm disent qu'on doit laver les mains trois fois avant de faire le lavabo. C'est une obligation. Les autres disent que c'est sunna. D'accord, les autres disent que c'est sunna. Les autres, vraiment, disent que c'est sunna. Pourquoi? Parce que le hadith est établi, est établi dans le Bukhari et aussi. Seulement, à la base, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a ordonné. Lorsque celui qui se lève du sommeil de la nuit, qu'il lave ses mains, c'est un ordre. Les ulémas de l'usul, les ulémas, ils disent que l'asl fil amr al-wujub, la base, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, c'est que c'est obligatoire. Que ce soit dans la sunna ou autre chose. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, c'est obligatoire. Sauf s'il y a un autre texte qui vient et qui nous dit, que ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ça, c'est une base très importante. C'est une chose que les gens n'ont pas compris. Ils pensent que l'obligation, elle est établie par le Coran. Et que ce qui est établi dans le hadith, c'est sunnah. Et ils font la confusion entre le terme sunnah, dans le sens, ce qui signifie sunnah égale hadith, c'est-à-dire les paroles et les faits, les gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sunnah, dans le sens de l'usul, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mandoub ou le mustahab, c'est-à-dire ce qui est préférable de faire, s'il a besoin de le faire pas, il sera pas châtié. D'accord? Il y a une différence entre les deux. C'est qu'il y a des choses qui sont venues dans le hadith et qui sont des obligations religieuses. Si la personne ne le fait pas, il est pécheur. D'accord? Et il mérite le châtiment. Et il y a des choses, etc. قال ابن قدامة ثم يتمضمض يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. Ensuite, il dit ابن قدامة رحمه الله. Ensuite, il fait المضمضة. المضمضة, il fait rentrer l'eau dans sa bouche. ويستنشق. Et il fait rentrer l'eau dans son nez. D'accord? Trois fois. Et il fait ça dans la même poignée. Ça veut dire que lorsque la personne, il met l'eau dans l'eau, dans, il met de l'eau dans le, dans la bouche et dans le nez, la sunna, c'est pas de faire comme beaucoup de gens y font. C'est de faire d'abord la bouche trois fois et ensuite le nez trois fois, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est de prendre une poignée d'eau, d'en mettre une partie dans le nez, une partie dans la bouche et de recracher ensuite. Le nez et la bouche ou la bouche et le nez? Comment? C'est ça. Ouais. Alors, la bouche et ensuite le nez. Voilà. Donc, deux choses ici. Le madmada et l'istinchaq. Le fait de mettre l'eau dans la bouche et de la faire sortir, et dans le nez de la faire sortir. C'est une obligation dans le wudu. C'est une obligation dans le wudu. D'accord? Pour deux raisons. Comme ils l'ont cité les ulama, parmi eux le commentateur de Uddat al-Fiqh, c'est-à-dire Baha'uddin al-Muqdisi, dans l'Udda Shah al-Umda, il dit, والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف وهما من الوجه ظاهرا يفطر الصائم بوصوله القي إليهما إذا استدعاه. المضمضة والاستنشاق sont obligatoires dans les deux purifications majeure et mineure, c'est-à-dire pour le wudu et aussi pour le ghusl. D'accord? Il faut faire entrer l'eau dans la bouche et dans le nez pour deux raisons. La première, c'est que la bouche et le nez font partie du visage. Or, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a ordonné de laver le visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah, quand il s'est lavé le visage, avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé la bouche, il s'est lavé le nez. Ça, c'est la première raison de l'obligation. La deuxième raison, mudawamatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait tout le temps fait cela. Jamais il n'a délaissé le fait de faire rentrer l'eau dans la bouche et de faire rentrer l'eau dans le nez. D'accord? Donc, ces deux preuves nous montrent l'obligation. قال ابن القيم رحمه الله وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرفة إلا هذا أما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم الوصل بينهما في زاد المعاد من جلد الأول ابن القيم رحمه الله يدي رحمه الله تعالى كم قال النبي صلى الله عليه وسلم يفوز المضمضة الاستنشاق avec une poignée des fois avec deux poignées des fois avec trois poignées c'est-à-dire le poser comme les autres on va voir comme les autres choses de l'oudou des fois une fois des fois deux fois des fois trois fois d'accord et il faisait le madmata ou l'estinchak comme on l'a dit d'une seule poignée c'est-à-dire il prenait et il disait et il prenait la moitié pour son nez et la moitié pour sa bouche d'accord et si on fait cela avec une seule poignée on ne peut faire que cela vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire on peut pas le faire si on dit il a fait avec une poignée il a fait la bouche et le nez ça veut dire qu'il le faisait avec la même poignée à la limite sinon il faudrait qu'il y en ait deux c'est-à-dire une poignée pour la bouche et le nez et ensuite une poignée pour le nez d'accord il y a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il faisait une fois deux fois trois fois mais à chaque fois il mettait une moitié une partie dans sa bouche et une partie dans son nez on est d'accord et il n'est pas rapporté qu'il ait fait la différence entre les deux si ce n'est dans le hadith d'arif d'accord donc la sunna c'est de faire avec une seule poignée la bouche et le nez on est d'accord sur ça on fait rentrer l'eau avec la main droite on fait sortir l'eau avec la main gauche la sunna comme ils l'ont dit souvent ils te disent de le faire avec le doigt comme ça on voit ça fait ça la sunna c'est quoi c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné le siwak dans l'oudou d'accord siwak c'est une sunna de l'oudou et réellement ils ont divergé certains ils ont dit c'est au moment où tu fais elle m'a demandé au istinchak tu fais le siwak d'accord et certains ils ont dit c'est avant l'oudou siwak avant l'oudou ouais donc ceux qui disent non à ce moment là effectivement tu prends le siwak alors siwak ouais prends le siwak avec le doigt je ne connais pas personnellement hein, parce qu'il faudrait chercher plus en profondeur je ne connais pas de hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait avec le doigt. On peut chercher inchallah oui. À ma connaissance enfin je n'ai jamais entendu continue ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابة شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين للآية ensuite il lave son visage trois fois, d'accord? De la racine des cheveux, elle mu'tad en fait, c'est-à-dire de la racine des cheveux d'une personne normale, quoi. Au-dessus du front, si la personne il est chauve jusque-là, il lave pas le dessus de la tête, il lave que ce qui est le visage normalement, d'accord? Jusqu'au menton, ou ce qui tombe de la barbe, d'accord? Et de, ça c'est en longueur et en largeur de l'oreille jusqu'à l'oreille, d'accord? De l'oreille jusqu'à l'oreille. ويخلي لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لازمه غسلها. Il dit si sa barbe est épaisse, quand il se lave le visage, il passe ses doigts dans la barbe, d'accord? Et si on voit la peau à travers, il faut qu'il lave bien le visage à travers, d'accord? D'ailleurs, il fait passer l'eau dessus, quoi, que ça arrive jusqu'à la peau. Il y a des gens qui ont les barbes très très très épaisses. Ces personnes-là, ils rentrent, ils vont pas toucher avec exactement ça. Ça, comment ça s'appelle? Ça touche la peau. قال ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله وكان يخلل لحيته احيانا. En ce qui concerne le tahlil ici, ابن القيم, il nous parle de quoi? Il nous parle, certains hadiths qui sont venus, certains hadiths sont rapportés, comme quoi, après le wudu, après le wudu, il prenait une autre poignée d'eau et il la passait dans la barbe, d'accord? Ce qu'on appelle tahlil al-lihya, d'accord? Ça, Allah a'lam, il y en a, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit qu'il le faisait de temps en temps. Walam yakun yuwadhibu ala dhalik, d'accord? Il ne le faisait pas tout le temps. Mais il dit aussi que certains savants du hadith, parmi eux des grands savants du hadith, entre autres l'imam Ahmed et Abu Zura'a, ils ont dit la yathbutu fi takhlil al-lihyati hadith. Il n'y a pas de hadith authentique sur le fait de faire le takhlil, sur le fait de faire cela. Et c'est l'avis d'Ibn Hazm. C'est l'avis le plus juste. Donc quoi, le takhlil, il n'y a pas de hadith authentique dessus. D'accord? Donc on le fait pas. Donc on le fait pas. On le fait que quand la personne se lave le visage, qu'il a la barbe épaisse, on voilà. Évite qu'il le fait, mais il n'y a pas de tahlil. Même s'il le fait pas, c'est pas grave, quoi. Il faut qu'il le fasse si sa barbe est épaisse. Pour que l'eau, elle passe. D'accord. ثم أغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل للآية. Ensuite, il fait quoi? Il lave ses mains jusqu'à ses coudes et il fait rentrer le coude dans le lavage. À cause de quoi? À cause du verset. Ça, c'est clairement dit dans le verset. ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقامه. كما جاء جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زيد. Ensuite, il passe les mains mouillées sur sa tête avec les oreilles. Il commence par le début de la tête. Il va jusqu'à sa nuque et il revient ensuite sur le devant. Vous avez compris? Comme ça. Hein? Et ensuite, il revient sur le devant. Ça, c'est établi dans Sahih Bukhari, dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Zad al-Ma'ad, وكان يمسح رأسه كله طارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس وهكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit il passait sur toute sa tête, pas sur toute sa tête, il le faisait. Il allait comme ça et il revenait. D'accord? Et c'est pour cela que dans certains hadiths, il est venu comme quoi il est passé sur sa tête deux fois. En fait, le sahabi, il a voulu dire il est passé qu'une fois, mais en venant et en repassant comme ça. D'accord? Il dit, et il n'a jamais fait, il n'est jamais passé sur la tête plusieurs fois. Il dit, et quand il faisait les membres plusieurs fois, la tête, il ne la faisait qu'une fois. Comme c'est venu dans le hadith de Uthman. Donc la sunna pour la tête, c'est de le faire. Ça parce qu'il y a une divergence chez certains ulama, c'est chez les chiites. Une fois ils disent on fait la tête deux fois, trois fois. Ce qui est venu dans les hadiths antiques, comme le dit donc Ibn al, il dit n'est jamais venu cela dans un hadith. Une fois il fait la tête, il fait la tête plus d'une fois. D'accord. Tout ça c'est dans un hadith. Non. Abu Daoud, rahimahullah, il dit Abu Daoud imam, hadith Uthman sihah al sihah. كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. أبو داود الذي لحديث بعثمان dans lequel il a décrit le wudu montre qu'il n'a fait la tête, qu'il n'a jamais fait la tête qu'une fois. C'est la parole des plus grands savants du hadith. Abu Daoud. Quand des grands savants comme Abu Daoud ou l'imam Ahmad rahimahullah ou d'autres ils disent il n'y a pas de hadith authentique sur telle question ou il n'a fait ça qu'une seule fois, on peut être sûr. On peut être sûr que des savants comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de hadith dans tout son corps. Quand un contemporain dit cela, c'est plus difficile pour lui. Mais les imams, les grands imams comme cela, c'est clair. En ce qui concerne le hadith, il y a un hadith qui dit « Al-udhunani min al-ra's ». Les deux oreilles font partie de la tête. D'accord. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud, numéro 134, et At-Tirmidhi. Et Tirmidhi, rahimahullah, a dit, wa laysa isnaduhu bidhalika al-qa'im. Tirmidhi, il a dit que son isnad, sa chaîne de transmission, n'était pas authentique. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit quand même, il dit dans Zad al-Ma'ad, il dit, wa kan yamsahu dhahirahuma wa batinahuma. Il passait dans l'intérieur de ses oreilles et dans l'extérieur de ses oreilles. D'accord? ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا. Mais il n'est pas établi de lui qu'il ait pris de l'eau, une eau nouvelle. C'est-à-dire il faisait ça avec l'eau de la tête. D'accord. Passé sur la tête et avec cette eau-là, il faisait les oreilles. وإنما صح ذلك عن ابن عمر. Mais cela est établi d'Ibn Omar. C'est pas rapport du prophète, c'est établi d'Ibn Omar. Ça y est, on dit pas que c'est une bid'a. On dit pas que c'est une bid'a. Celui qui veut le faire, il le fait. À la limite, il a un salaf, c'est Abdullah ibn Omar. Ça, c'est dans Zad al-Ma'ad, à la page 187. Que ce soit la prononciation de l'intention, que ce soit dans le wudu ou dans la salat, c'est une bid'a. Ensuite, il dit, Ibn Qudama, rahimahullah, ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. Ensuite, il lave ses deux pieds jusqu'aux chevilles trois fois. et il fait rentrer les chevilles dans le lavage. Et ensuite, il passe les doigts entre les orteils. D'accord. Le fait de passer les doigts entre les orteils, il y a des hadiths authentiques et il y a des hadiths da'if. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا ولهذا لم يرويه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد الربيع وغيرهم على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة ابن القيم دي رحمه الله au début faites bien attention il dit au début et il n'est pas établi comme quoi il passait entre les orteils il le faisait tout le temps il n'est pas établi qu'il faisait cela tout le temps d'accord toutes les ablutions voilà et il y a un hadith rapporté par al-Mustawrad ibn Shaddad il disait j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam on va voir ce hadith ba'if et j'ai faisait le wudu et passé entre ses orteils avec son petit doigt. D'accord. Il dit Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? Il est prudent. Il dit, si cela est établi, il ne le faisait que de temps en temps. C'est pour cela que ça n'a pas été rapporté par ceux qui ont rapporté son wudu, comme Uthman, Abdullah ibn Zayd, Ar-Rubay'. Donc la première aspect étrange, on va dire, dans ce hadith, c'est qu'il n'est pas cette chose-là. Elle n'est pas rapportée par les gens qui ont rapporté son wudu, particulièrement dans Sahih al-Bukhari ou Muslim. Les hadiths les plus authentiques, ils ne parlent pas de cette chose-là, passer entre les orteils avec le petit doigt. D'accord. Et deuxièmement, dans le isnad de ce hadith, il y a une personne qui s'appelle Abdullah ibn Lahi'a. Et ce Abdullah ibn Lahi'a, ils ont dit les ulama sayyi'ul hifz. Il a une mauvaise mémorisation. Ça veut dire ce hadith, il est da'if, c'est clair. Ce hadith est da'if. Donc ce n'est pas sunna de passer entre les orteils avec le petit doigt. C'est établi chez certains contemporains, clairement, c'est chez les albanistes, hein, je pense qu'il doit authentifier ce hadith quoi que ce soit, dans son isnad, il y a Abdullah ibn Lahi'a. Donc ce hadith, il est valide. Par contre, il y a un autre hadith, celui-là authentique, inshallah, rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah, dans son sunan, حدثنا قديبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. Donc ce hadith est rapporté par Al-Tirmidhi, on a cité son isnad et il a dit إذا توضأت فخلل الأصابع. Si tu fais le wudu, passe entre les orteils. Mais ici, il n'y a pas écrit de petits doigts ou quoi que ce soit. Tu passes entre les orteils comme tu vas là. De temps en temps. C'est rapporté et il dit قال وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وابي ايوب الانصاري قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الترمذي a dit ce hadith il est حسن et صحيح. Ça ne veut pas dire là, quand الترمذي dit حسن صحيح, c'est pas la même chose que le Bukhari et le Muslim. Ça, il faudrait faire des doros sur مصطلح الحديث, la science du hadith, la terminologie du hadith pour c'est un peu long. والعمل على هذا عند اهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق قال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. Il dit certains gens de science ont dit cela effectivement, ils passent les doigts entre les orteils ou entre les doigts et entre les orteils et c'est l'avis d'Ahmed et Ishaq. Mais on ne dit pas que c'est obligatoire, on ne dit pas non plus que entre les orteils c'est avec le petit doigt, hadith d'aïe, etc. إذ ابن قدامة رحمه الله ensuite ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il dit ensuite, ابن قدامة, il dit ensuite, il lève ses yeux au ciel. Il n'y a pas ma connaissance de délit dans cela. Donc pour ça, il ne le fait pas. Mais il dit par contre, ça c'est établi dans Sahih Muslim, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Le hadith, il dit, le hadith de Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 234, il dit, rahimahullah, Omar, radiyallahu anhu, il dit, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ma minkum min ahadin yatawadda'u, fa yubliru, ou fa yusbiru al-wudu'a, thumma yaqulu, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabu al-jannati thamaniya, yadkhulu min ayyiha sha'a. Kharajahu Muslim. Dans Sahih Muslim, donc, on croit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si l'un d'entre vous accomplit son wudu et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad wa anna Muhammad rasulullah, les huit portes du paradis s'ouvrent. les 8 portes du paradis sont. La version où c'est rajouté Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, cette version elle est rapportée par At-Tirmidhi, c'est le hadith numéro 55, et il dit, après avoir rapporté le hadith, il dit wa hadha hadithun fi isnadihi ittirab wa la sihhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-bab kabir shay qala Muhammad wa Abu Idris lam yasma' min Umar shay'an. Il dit quoi, Tirmidhi, il dit ce hadith, il y a une confusion dans son isnad. C'est un hadith d'Ali. Il y a une confusion dans son isnad et il n'y a rien d'authentique sur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Et Muhammad, c'est-à-dire ici Al-Bukhari, qui est le cheikh de Tirmidhi, il a dit carrément wa lam yasma' min Umar wa Abu Idris lam yasma' min Umar shay'an, parce que Abu Idris il rapporte un hadith de Umar. Et Al-Bukhari lui-même il dit Abu Idris il n'a jamais rien entendu de Umar. Donc le hadith il est vraiment. Donc, Allahumma ja'ali min al-tawabin, wa ja'ali min al-mutatahirin, c'est baïf. Ensuite, il dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, wal-wajibu min dhalika, awalan, an-niyatu. Wal-wajibu min dhalika, awalan, an-niyatu. Thaniyan, wal-ghaslu marrat al-marra, ma khala al-kaffayni. Thalithan, wa mashu al-ra'si kullihi. رابعا وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. خامسا ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. Les cinq choses obligatoires dans l'wudu. Les cites Ibn Qudama. La première, النية, l'intention. D'accord? Les cinq choses obligatoires dans l'wudu. Les cinq choses obligatoires dans l'wudu. Ça, il fait comme un récapitulatif. Hein? Ibn Qudama ici. Il fait comme un récapitulatif de ce qui vient de précéder. La première chose obligatoire, l'intention. On l'a vu, on ne va pas répéter. Hein? Ouais. La deuxième chose, le fait de laver les membres, chaque membre une fois, minimum. D'accord? Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, les mains une fois, le visage, etc., etc. Tout une fois. Troisièmement, le fait de passer sur la tête, sur toute la tête. Il faut passer sur toute la tête. On l'a vu dans la parole de Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Quatrièmement, c'est bon. Tartib el wudu ala ma dhakarna. Respecter l'ordre dans le wudu. Si la personne, la personne doit faire le wudu dans l'ordre. Le dalil de l'obligation, mu'azabatun nabi sallallahu alayhi wa sallam ala dhaik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapporté dans aucun hadith comme quoi il a fait les pieds avant le visage ou etc., etc. Vous avez compris. Il faut respecter l'ordre. Khamisan, ce qu'on appelle le mu'ala, cinquièmement, c'est quoi? De ne pas retarder le lavage d'un membre jusqu'à ce que le précédent sèche. Ah ouais? De ne pas retarder le lavage d'un membre jusqu'à ce que le précédent sèche. C'est ce qu'on appelle le mu'ala. El mu'ala. On va dire la non-interruption. Cinquièmement, la non-interruption. De ne pas retarder le lavage d'un membre jusqu'à ce que le précédent sèche. La preuve, c'est un hadith dans le Bukhari. La preuve de le Mouala, c'est un hadith rapporté par Muslim, pardon. Omar ibn al-Khattab, أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم. Muslim rapporte dans son Sahih, comme quoi Omar ibn al-Khattab rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu une personne. Il a vu une personne qui avait sur son pied un endroit qui n'avait pas été touché par l'eau. De la taille d'un ongle. Un tout petit endroit qui n'avait pas été touché par l'eau. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il aurait pu lui dire, quoi? Va te laver le pied. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va refaire ton wudu. Tout entier. Donc ça veut dire que quoi? Les autres membres ont séché. Donc si la personne il interrompt son wudu, ouais, pour chercher quelque chose, pour ouvrir la porte, quoi que ce soit, s'il est encore mouillé, c'est bon, il peut continuer. Si ça a séché, il faut qu'il recommence le wudu du début. Et ce hadith de Muslim aussi, il indique une autre chose. Il dit, comme quoi, si dans le wudu, on ne lave pas tout le membre qu'il est obligatoire de laver, le wudu est bâté. D'accord. Si la personne y laisse ne serait-ce que un point dans le visage, son wudu est bâté. Il se fait pas le ouest-ouest. Regardez comme ça, comme ça. Mais il doit faire le wudu comme Allah le ordonne. C'est vrai que c'est mieux quand même de faire trois fois ou deux fois parce que tu peux pas laisser. La sunnah, l'essentiel, la sunnah, le professeur, c'est des fois, il disait une fois, deux fois, trois fois. Effectivement, l'akmel, le sunnah, c'est de faire trois fois chaque nombre. On va y venir.